Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez EJT Sport, le podcast qui décortique l'actualité sportive du moment. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, hein, puisqu'on va uniquement parler MMA. Et pour cause, c'est une semaine de gala qui se profile. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai du très beau monde à mes côtés. Arthur est présent, comment ça va Arthur ? Ça va super, merci beaucoup. Ravi de pouvoir parler de MMA avec des experts aujourd'hui. Hein. Le plus marseillais des Toulousains participe aussi à cette émission. Salut Enzo. Salut Bastien, très très grand plaisir de pouvoir parler MMA aujourd'hui dans le podcast JT Sport. Lucas est aussi parmi nous, en forme ? Très en forme olympique pour cette émission. Et puis enfin notre spécialiste MMA, salut Thomas. Salut à tous. Grosse semaine de MMA en perspective donc, on a deux gros combats au programme. Ça va commencer ce jeudi soir avec Cédric Doumbé face à Baki au PFL Paris 2 à l'Accor Arena. Et puis dimanche, on aura droit à la confrontation entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis à l'UFC 299 à Miami. Messieurs, donnez-moi un mot pour décrire ces deux combats. Enzo, je te laisse l'honneur. Moi, je dirais exceptionnel et je suis impatient surtout, très impatient. Lucas ? Fantastique, on a hâte de voir ce combat. Ça fait plus que deux mots, mais on a compris l'idée. Arthur ? Eh ben, moi, je vais rejoindre Enzo, je dirais hype, hein, grosse hype autour du combat. On a vraiment hâte de voir le résultat. Et puis Thomas, prendre un seul mot, je dirais explosif, parce qu'à mon avis, dans les deux cas, on va avoir de gros, gros combats et de beaux combats. Eh bien, le décor est planté, sans plus attendre, on est parti pour ce hors-série spécial MMA. C'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire, Pierre Garcia, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va commencer cette émission avec le premier combat qui nous intéresse. Baysangour Chamsoudinov dit Baki face à Cédric Doumbé. Un duel 100% français, sommet de l'événement PFL Paris à Bercy. Mais tu crois ? Il y a personne qui peut me faire ce poteau. Première route, on n'en parle plus. Des mains depuis tout à l'heure, il me regarde ici. Et j'aimerais qu'on s'attarde d'abord sur Cédric Doumbé parce que Thomas, le franco-camerounais, est devenu la figure de proue du MMA en France. Ouais, on vient de l'écouter, Cédric Doumbé est un acteur dans l'âme, il voulait faire du cinéma étant plus jeune, il aime le trash talk, c'est indissociable dans les sports de combat bien évidemment. Et celui qui a démocratisé ça, bah, c'est Conor McGregor aux États-Unis, hein, qui a fait du MMA, un sport peu connu, à un sport mondialement connu et suivi. C'est pas compliqué, sur les 10 plus gros pay-per-views, c'est-à-dire les 10 plus grosses audiences, il y en a 8 qui ont été réalisées avec Conor McGregor, le plus gros c'était contre Khabib Nurmagomedov, 2,4 millions de vues. Doumbé attire, le PFL Paris c'est une grosse organisation et ramener Doumbé, clairement pour eux c'était une formidable opération. Hein. Doumbé il est très fort dans le trash talk mais aussi dans le storytelling. On vous en parle dans un instant, moi je vais vous parler de son rôle d'ambassadeur du MMA. Alors il n'est pas le seul, il y a beaucoup de très bons combattants en ce moment, Cyril Gane, Nassourdine Imavov et un certain Benoît Saint-Denis hein, dont on va aussi vous parler dans la suite de l'émission. On a aussi Saladin Parnasse au KSW, c'est une organisation européenne un peu dissidente de l'UFC, ainsi que Manon Fiorot chez les femmes à l'UFC. Mais on va se demander surtout la question, pourquoi est-ce que Doumbé attire autant la lumière ? C'est un véritable showman à l'aise devant les caméras, donc Thomas, je suppose que la personnalité de l'ancien champion du monde de kickboxing, il joue pour beaucoup. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts ? Ouais, Doumbé est un showman, il a toujours la petite phrase qui va bien, il est gentil, il parle bien, il fait la matinale d'RTL, il va s'exprimer sur le plateau de Quotidien où il va parler de ses rêves de gosse, il peut également élever son niveau de langage et prendre à bras-le-corps des sujets sociétaux importants, comme notamment la violence contre les femmes. Il s'est engagé dans cette lutte hein, et c'est un symbole fort. Un homme, lui, qui passe sa vie à mettre des KO, qui lutte contre les hommes qui battent leurs femmes, lui, l'ancien champion de kickboxing, c'est un super symbole pour cette lutte qui est importante. Cédric Doumbé participe également à des formats sur des médias plus jeunes comme Bouscapé, il va réagir dans des vidéos YouTube, se mettre en avant avec des humoristes comme Redouane Bougueraba ou Ahmed Silla où il va parler d'anecdotes, de son passé, c'est ça qu'il sait faire, il sait se mettre en avant, pour lui c'est un petit peu de la comédie, c'est d'ailleurs ce qu'il préfère, il n'hésite pas à le dire, ce qu'il préfère c'est vraiment le jeu d'acteur. Il sait se mettre en avant, tu l'as dit, et il maîtrise l'art du trash talk. Non, Arthur, je sais que tu es un adepte de NBA, et en NBA, le trash talk, c'est central. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, effectivement. Alors Thomas vient de le dire, effectivement, le trash talk est indissociable des sports de combat et particulièrement du MMA et à l'UFC, mais c'est quelque chose qui vient plutôt de la NBA et outre-Atlantique, la ligue de basket nord-américaine. C'est en fait les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent tous les soirs et entre ces grands compétiteurs, eh bien, il y a toujours la petite phrase, le petit mot sur le terrain. Ça crée des grandes rivalités et ça participe à un autre phénomène qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est un petit peu la marque de fabrique de la NBA et le MMA est en train de s'en inspirer en ce moment, notamment l'UFC, l'organisation qui domine la discipline. Le storytelling, c'est finalement mettre en avant certains joueurs, les opposer à d'autres joueurs, à des équipes ou à des choses comme ça. Et en fait, ça permet finalement de faire monter la sauce. Et faire monter la sauce, en fait, ça attire les gens parce que, j'ai envie de le dire, les gens, ils aiment l'odeur du sang. Et c'est-à-dire que dans ces matchs-là, l'enjeu est décuplé. C'est-à-dire que le perdant a beaucoup à perdre et le gagnant va ressortir avec une image qui va être grandement glorifiée. D'autant plus s'il y a eu trash talk et storytelling auparavant. Et on aura l'occasion d'y revenir dans l'émission. Le trash talk au cœur du MMA donc. Est-ce qu'on a un ou deux exemples marquants, Enzo ? Bien sûr, on a deux exemples marquants. En tout cas, moi j'en ai sélectionné deux que je trouve pertinents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la victoire de Conor McGregor face à Eddie Alvarez en 2016, il remporte une deuxième fois une ceinture à l'UFC. Et l'extrait avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux où on entendait l'Irlandais dire « Je profite de l'occasion pour m'excuser auprès » d'absolument personne. Le double champion fait ce qu'il veut. Et puis on a un exemple assez récent, hein, Cédric Doumbé avec Jordan Zebo qui ramène un lit en plein milieu du ring et qui se permet quelque part sur les réseaux sociaux de faire monter la sauce, mais aussi également dans le ring. Le problème, c'est que le trash talk divise, défendu par certains, critiqué par d'autres. Arthur, Enzo, je sais que vous avez un avis différent sur la question. C'est l'heure du premier débat. Et la question est la suivante, elle est toute simple, êtes-vous pour ou contre le trash talk ? Enzo, je te laisse commencer. Moi tout simplement je vais être pour, je suis plus partisan du trash talk, je trouve que ça fait partie du jeu dans le sport et notamment en MMA. Je l'ai dit hein, juste avant mon propos que je tiens actuellement, Cédric Doumbé est un coutumier du fait. Il sait très bien faire ça. Alors, mais c'est pas le seul, hein. Par exemple, on sait, si je prends notre sport, hein, je prends le football, Zlatan Ibrahimovic, on a tendance à parler d'ego, mais avant l'heure, pour moi, c'est du trash talk. Mario Balotelli aussi, je sais pas si vous vous souvenez, à City, quand il enlève son maillot, mais qui a écrit « Why always me », pour moi, c'est du trash talk. Il parle pas, certes, mais il montre une image quand même centrale dans tout ça. Oui, alors Enzo, je suis assez d'accord avec toi. Le trash talk, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est bien. En fait, ça permet de se mettre en avant, ça crée de l'engouement, ça attire les gens, c'est bien. Oui, mais le problème, c'est que derrière le trash talk, en fait, finalement, eh ben, la performance sportive ou la chose qui permet à la personne de faire du trash talk, eh ben, va un peu disparaître derrière ce trash talk-là et on va ne parler plus que de ça. Alors, je sors deux secondes du sport pour prendre un autre domaine comme exemple. On pense notamment au clash Boubacaris. Il y a eu un énorme engouement autour de ça. On a énormément parlé du rap français. Ça a beaucoup fait monter ces deux personnalités-là qui sont connues. Ça permet de sortir de son domaine de base. Oui, mais sauf qu'en fait, finalement, derrière, on ne va parler de toi qu'en négatif. En fait. Et c'est un peu la même chose. Mario Balotelli, grand joueur de football, oui. Mais son exposition médiatique est bien supérieure à celle qu'il aurait eue en tant que simple joueur. Donc si je comprends bien, Arthur, ce que tu reproches au trash talk, c'est que ça passe en premier plan à la place du sportif. Enzo, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Bah moi, je trouve que... Je reprends toujours le même exemple parce que moi, il m'a forcément marqué. Cédric Doumbé face à Jordan Zebo, on avait l'impression que le trash talk prenait le pas sur le sportif. Mais finalement, je trouve que le trash talk permet au combattant, Cédric Doumbé, de mettre le sportif au-dessus après. C'est-à-dire qu'il va commencer avant son combat à parler, à ramener le lit, à mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, à partir du moment où il l'emporte, la donne est différente. Je sais pas si tu as la même vision que moi, mais en tout cas, moi, je pense de cette manière-là. Je te rejoins un peu là-dessus, mais après, quand on voit que finalement, il met son adversaire KO en 9 secondes pour un main event, finalement, les gens, est-ce qu'ils ont envie de payer 50€ leur place pour ça ? Non, c'est pour le trash-talking qu'ils sont là, et c'est parce qu'il vient justement de confirmer son trash-talk que les gens sont satisfaits. Mais finalement, la qualité de la performance sportive, je suis désolé, son adversaire en face, il a pas été au niveau et c'était pas un grand combat. Mais tu trouves pas que la performance sportive, elle se joue surtout sur le fait que Doumbé fracasse Jordan Zebo en 9 secondes. C'est une performance sportive. Certes court, on va peut-être payer 120 balles pour aller assister au combat, c'est une grande performance sportive. C'est, je comparerais ça à, je sais pas moi, à un 5-0 du Real Madrid face au FC Barcelone. Le score est sans appel, les supporters vont faire le déplacement, mais finalement le résultat est le même et je pense que la planète football s'en souvient quoi. Ouais, on pourrait dire que c'est court mais intense. Oui, alors effectivement, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Là, c'est vrai qu'il a pas déçu là-dessus, Doumbé, je suis d'accord avec toi. Mais je vais me permettre à nouveau le parallèle avec la NBA. Le problème du trash talk et du storytelling, c'est qu'en fait, on va mettre en avant deux personnes, une confrontation, et tout le reste va disparaître derrière. C'est-à-dire que par exemple, dans les grandes années Golden State versus les Cleveland Cavaliers, en fait, finalement, tout le run de playoff des Cleveland Cavaliers, personne n'en a rien à faire. Et donc finalement... la performance sportive, le fait qu'ils arrivent à aller jusqu'en finale, par exemple la performance sportive de Jordan Zebo ou de Cédric Doumbé, tout ce qu'ils ont accompli dans leur carrière, tout ça disparaît derrière en fait simplement qui va gagner. On est sur un enjeu sportif, plus personne n'analyse les qualités techniques, plus personne n'analyse les qualités tactiques, personne ne se penche vraiment sur la réalité du combat, c'est qui va l'emporter. Et il n'y a plus que ça qui importe, c'est finalement le résultat final. Moi ça me déçoit un petit peu parce que, juste pour terminer, ce que je dirais c'est que c'est bien pour attirer des gens qui derrière vont creuser le sujet, je trouve ça super pour attraper un public, emmener le monde derrière soi et mettre les gens dans un nouveau domaine, mais il faut derrière que le spectateur fasse l'effort d'aller chercher, d'aller un peu plus loin, et ça, et bah, tout le monde n'en a pas forcément ni l'envie, ni même la capacité. Allez Enzo, je te laisse la parole une dernière fois pour toi, et puis après je reviendrai avec Arthur. Oui, bien sûr, mais moi j'aimerais préciser quelque chose rapidement. Je suis favorable au trash talk, par contre il y a des limites. Je sais pas si vous vous souvenez du combat entre Strickland et Duplessis. Il y a vraiment des limites au trash talk. Cédric Doumbé n'a jamais insulté personne. Quand il va dans le trash talk, il y va et il fait du jeu d'acteur. Oui, bien entendu. Mais quand je vois Duplessis qui est là à parler du père de Strickland, parce que je crois que le père de Strickland battait le combattant, oui, tout à fait. Et lui dire que tu te fais battre par ton père, bah, moi je vais faire pire que ton père. Je trouve que là on va au-delà du trash talk. Donc je suis pour le trash talk, mais il y a des limites. Arthur, rapidement. Ouais, merci de me rejoindre sur ce point, je suis assez d'accord, et du coup je vais prendre aussi le contre-pied de mon avis pour te rejoindre. En fait, finalement, je trouve que le trash talk, ça peut être très intéressant quand c'est fait comme Doumbé, qui va, comme tu l'as dit, mettre en avant le thème des violences faites aux femmes, ou là, très récemment dans sa dernière vidéo, qui va expliquer comment prodiguer les premiers secours, mais tout ça en essayant d'aller trash talk Baki, donc c'est super intéressant, et quand c'est fait comme ça, le trash talk, ça fait du bien. Mais le trash talk, ça reste quand même de l'extra sportif, on sera... tous d'accord sur ce point-là. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on s'intéresse au combat d'un point de vue un peu plus technique. Thomas, est-ce qu'on peut résumer le combat de ce soir en une opposition de style entre le striking de Doumbé et la lutte de Baki ? Non, bien sûr que non. Il y a beaucoup de points abordés précédemment qui vont compter. Bien évidemment, le trash talk, le faux face-off par exemple à la Tour Eiffel, les clashs sur Twitter, l'ambulance amenée, le trajet pour l'hôpital Salpêtrière. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont compter. La hype du combat aussi. Est-ce que les fans ont envie d'aller à l'événement ? L'event a été sold out en quelques minutes à peine. Le fait que l'événement se passe à Paris, en France, devant un public qui sera... clairement à la cause de Cédric Doumbé. Taper des gens, éviter de me faire taper des gens et prendre un peu d'oseille et aller à la maison. Sur un plan purement technique, comme ce bon vieux Francis Ngannou nous l'a dit, on pourrait parler de son anglaise qui est son point fort. Hein. Cédric Doumbé, il a été champion du monde de kickboxing, notamment au Glory, environ une dizaine de fois. En MMA, il a 5 combats professionnels, 4 KO, c'est les 4 derniers combats. Le dernier, bien évidemment, on en a parlé, hein. c'est le KO au bout de 9 secondes face à Jordan Zebo en novembre de l'année dernière. Doumbé, il va avoir des lacunes sur tout le sol, ça c'est clair, c'est son point faible. Il vient du striking, donc le sol, ça va être plus compliqué pour lui. Il va notamment falloir, je pense, se concentrer sur sa lutte en défense, mais aussi en attaque au niveau du cardio. Il est plus vieux, il a 10 ans de plus que Baki, et forcément, il risque de se fatiguer plus vite, surtout si Baki lui met énormément la pression, l'amène contre la cage, le fatigue. C'est le point, je pense, sur lequel Cédric Doumbé pourrait pêcher. Lucas, avant de te laisser la parole sur Baki, on a réalisé un petit sujet et on a demandé aux suiveurs qui ils voyaient gagner ce soir. Vous allez l'entendre, les avis sont assez concordants. Pour moi, du coup, c'est Doumbé qui va gagner. Pour moi, l'avantage, il n'est pas énorme, mais il y en a quand même. Hein. D'abord, mental, c'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, c'est que Doumbé, il s'est rentré dans la tête de l'adversaire. Et puis, même si tu ne veux pas le savoir, qu'il te lâche ou quoi, tu es obligé de le savoir. Ensuite, sur l'aspect physique et plus technique, je dirais que certes, Doumbé maîtrise pas encore la discipline en entier, tout ça. Et on va voir en lui ce qu'il va donner, parce que du coup, on n'a pas pu voir contre Jordan Zebo. Je donnerai un 60-40 à Doumbé. C'est un match très dur à pronostiquer, parce que d'un côté, t'as Doumbé qui est très très fort en striking. Après, Baki, lui, c'est un profil différent. De base, c'est un judoka, tout ça, donc au corps, il peut être très fort. Moi, mon prono pour Baki Doumbé, je le mettrai pour Doumbé. Je pense que techniquement, il est au-dessus. Baki, un peu trop jeune, je pense, pour gagner contre un mec qui a fait 3 fois champion Glory. Même s'il a une très bonne lutte, etc., je pense que c'est encore un peu jeune. Je pense franchement que Cédric Doumbé, il va éteindre Baki, que ce soit de par son expérience précédente dans le kickboxing, ou que ce soit de par la pression constante niveau marketing et communication qui fait descendre le moral et le mental de Baki, je pense. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Cédric Doumbé qui va l'emporter haut la main. Bon, on l'a bien compris, si on s'en tient au pronostic, Doumbé par grand favori de ce combat. Est-ce que Baki a quand même des arguments à faire valoir, Lucas ? Alors, Baïsangour Chamsoumidov, alias Baki, c'est le roi du sol et de la lutte, on le sait tous. Ce français s'est taillé une réputation dans le judo, ce qui signifie qu'il a des crochets redoutables, une habileté impressionnante pour faire chuter ses adversaires. Et aussi, en août 2023, rien de moins que la star de l'UFC, Khamzat Chimaev, l'invite à s'entraîner avec lui pour peaufiner sa préparation en vue de l'UFC 294. Ça laisse pas passer inaperçu. En MMA aussi, le gars d'Agno affiche un début de carrière vraiment bluffant. 7 combats, 7 victoires, dont 2 par KO. En plus, comme l'a dit Thomas, Doumbé, il est vieux et Baki, il est très jeune, il est rapide et donc il a beaucoup plus de cardio que Doumbé. Donc sur ça, il le surpasse. En sachant que Cédric Doumbé et Baki sont tous les deux invaincus jusqu'ici, une question se pose. Qui a le plus à perdre ce soir ? Eh bien, c'est notre deuxième débat du jour. Eh bien Thomas, à toi l'honneur. Alors moi je dis clairement Doumbé, déjà parce qu'il a énormément parlé. Je cite 2 de ses petites phrases un peu mythiques, « Je vais éteindre le plus gros prospect du MMA français, j'ai réservé une chambre d'hôtel, une ambulance pour Baki après le combat. » Doumbé, il est plus vieux, on l'a dit, et surtout il ne vient pas du MMA de base. On pourrait dire que son sport de prédilection, c'est le kickboxing, mais dans les sports de combat, l'expérience... c'est la clé. Et justement, il va pas forcément pouvoir jouer là-dessus, surtout qu'il a énormément parlé, notamment par son trash talk. Je vais le mettre KO, je vais le faire dormir. Quand on annonce autant, les fans attendent beaucoup et connaissant le personnage, veulent voir Doumbé triompher. Doumbé, il est plus vieux, mais il a aussi plus à perdre parce que son adversaire, il est plus jeune. Il pourrait se relever alors que pour lui, à 34 ans, une défaite déjà aussi tôt dans sa carrière au bout de son 6e combat de MMA, ça pourrait être préjudiciable. Toi, Lucas, au contraire, tu penses que c'est Baki qui a le plus à perdre ? Ah oui, totalement. Déjà, pour moi, Doumbé, c'est un peu le Conor McGregor des Français. C'est lui qui a ramené le MMA en France. Franchement, pour moi, même s'il perd, c'est pas grave. Et Baki, pour moi, s'il perd, ça peut mettre des bâtons dans sa carrière. Ça peut fermer certaines portes. Déjà, sur le classement, le combat peut permettre à Doumbé de gagner en classement parce que Baki est classé 170e dans les poids légers alors que Doumbé est 460e. Et aussi, regarde Gann et BSD quand ils sont rentrés à l'UFC, ils avaient 0 défaite. Alors que là, bon, si Baki perd contre Doumbé qui n'est pas forcément très connu dans l'UFC, les Dana White et les suiveurs américains de l'UFC vont se dire « Mais c'est qui ce mec en fait ?» Et il va jamais pouvoir aller à l'UFC. C'est vrai. C'est vrai que perdre un combat avant de rentrer à l'UFC, ça entacherait quand même pas mal la réputation de Baki, non Thomas ? Oui, alors après ça pourrait aussi entacher celle de Doumbé, hein, surtout qu'il n'est pas tout jeune le coco, il aura 32 ans en août, il rêve de l'UFC. Une défaite humiliante, alors qui serait certes aussi très humiliante et peut-être même plus humiliante pour Baki, surtout si jamais il prend un KO légendaire, on se souvient de la sauce qu'avait pris sur Twitter Jordan Zebo, hein. Ça pourrait aussi faire beaucoup de mal à Cédric Doumbé. Il est dans un nouveau sport, il vient d'arriver en MMA, il n'a pas envie de se prendre un KO, surtout par Baki. Pire, une soumission avec sa tête en étranglement et ses veines qui sont sur le point d'exploser au niveau de son crâne. Franchement, je pense qu'il n'en a pas envie, Cédric Doumbé, et ça pourrait vraiment lui faire très très mal. Même si ça lui fait très très mal sa défaite, je pense que honnêtement, Doumbé, c'est un champion. Vraiment, on le sait, c'est un champion. Il a déjà perdu en Glory, il est revenu. Même c'est pas parce qu'il perd un combat en MMA qu'il ne reviendra pas. Alors que vraiment Baki, là, s'il perd ce combat contre Doumbé qui est pas vraiment très connu, bah, ça peut, voilà, à la limite si Doumbé perd, bon, il va se faire vanner sur les réseaux sociaux, ça serait rigolo, les Français, voilà, ils vont être là, oui, bon, t'as perdu alors que t'as fait que parler, alors que Baki, bah, s'il perd, déjà il, de base, il est moins connu que Doumbé, donc les gens vont peut-être, la hype Baki va peut-être baisser. Et pareil, la vision que Dana White a sur Baki, elle va peut-être baisser aussi. Ouais, mais faut pas oublier que le sport, c'est limite secondaire au point où en est la carrière de Doumbé. Lui, ce qu'il aime, c'est l'acting. Ce qu'il préfère, c'est pas le combat. C'est pas les 7 secondes face à Jordan Zebo ou les plusieurs rounds lorsqu'il va affronter Baki. Ce qu'il préfère, c'est vraiment l'avant-combat. C'est de pouvoir aller faire sa promo dans les médias. C'est ça qui lui sert. Si demain, il est complètement éteint, à 32 ans, on va se dire, ouais, bon, bah, ok, c'est cool, il nous a fait deux super trash talk, il nous a entertain vraiment de fou malade, mais au final, bah, il a pas fait grand-chose, il a affronté, le premier mec qu'il a vraiment affronté avec un bon niveau en MMA, et bah, il s'est fait éteindre, il a pris une soumission, en plus devant les yeux de Khamzat Chimaev. Franchement, ça renvoie pas une super image de sa grande bouche. Bah, j'ai l'impression que tu viens de donner tous les exemples, enfin, tous les arguments pourquoi Baki ne devrait pas perdre ce combat, parce que ça serait très préjudiciable pour lui. Déjà, il y a Khamzat Chimaev, donc pour l'UFC, ça serait pas très bon. Et aussi, Doumbé, bah, comme tu as dit, il arrive en une fin de carrière. Le mec est pas là, il aurait pu aller à l'UFC, mais bon, il aurait pas été connu dans l'UFC, alors que là, il arrive dans le PFL, il est très connu. Son but, c'est prendre des gros cachets, combattre contre des peintres, mais faire le Conor McGregor. Alors que Baki, bah, dans l'arrêt aussi, il a combattu contre des peintres, et en fait, bah, on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment Baki. Moi, je pense que ça serait vraiment très préjudiciable pour lui. Eh bien, messieurs, on a compris un petit peu vos arguments de part et d'autre. On aura possiblement les premiers éléments de réponse dès demain, en fait, quand le combat sera terminé. Sur les réseaux sociaux, ça risque de chauffer un petit peu, non? Oui, à mon avis, les téléphones vont chauffer. Gardez vos notifications et vos réseaux sociaux ouverts. En plus, il faudrait que Baki vérifie les angles morts. Bon, pour finir, rapidement, un petit pronostic. Thomas? Moi, je pense que Cédric Doumbé va gagner. Je pense qu'il va gagner assez vite. En tout cas, ça va être son objectif, KO dans le premier round. Arthur? Je pense que c'est plus dur à pronostiquer que ce qu'on pense, parce qu'on a du mal à évaluer le véritable niveau de Baki, mais j'ai quand même tendance à donner Doumbé favori. Hein. Enzo, toi tu penses quoi? Moi je pense clairement que Cédric Doumbé va s'imposer, en tout cas je l'espère, je suis partisan de Cédric Doumbé, là je prends un peu parti, mais en tout cas, quand on ouvre sa bouche comme ça, il faut aller jusqu'au bout, et Doumbé en est capable. Et puis toi Lucas, tu penses que c'est Baki qui a le plus à perdre, mais est-ce que tu le vois s'imposer? Alors, je vais pas être original, je le vois absolument pas s'imposer, parce qu'après, moi, j'ai pas vraiment de faible pour le type de combat de fighters comme Baki, qui sont très au sol. Moi, j'aime les strikers et tout, donc moi, je vois Doumbé l'emporter très facilement, premier round, KO. Eh bien, réponse ce soir, aux alentours de 22h30. On part de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'il y a un autre combat qui nous intéresse. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, dans la compétition Rennes. L'UFC, le français Benoît Saint-Denis s'attaque à un monument du MMA en la personne de Dustin Poirier. L'enjeu du combat est assez simple pour BSD, battre l'américain, c'est devenir 3e mondial et possiblement s'offrir un duel face à Islam Makhachev avec en jeu la ceinture des poids légers. On va d'abord s'intéresser à la trajectoire des deux combattants. On commence avec BSD, le gars qui jongle entre forces spéciales et cage de MMA. Vous l'avez entendu, hein, Bruce Buffer le surnomme The God of War. Ça en jette ça, Lucas, non? Alors on parle d'un gars qui a quitté les forces spéciales où il était en mission contre des groupes terroristes au Sahel pour se retrouver dans les cages du MMA. Imaginez, de l'uniforme camouflage aux gants de combat. Ah, Benoît Saint-Denis, ce gars, il a plongé dans le monde de la sueur et du sang dès sa jeunesse. Hein. Dès qu'il a eu son bac S en poche, bam, direction les forces spéciales, il a enchaîné 5 années sous le drapeau tricolore à apprendre des techniques de combat et de haut niveau pour repousser ses limites à fond les ballons. Envoie le direct au Mali pour combattre les djihadistes, l'ancien soldat d'élite a assuré plusieurs missions là-bas avec toute la détermination et le savoir-faire qu'il a acquis, ça c'est du vécu. Et puis en 2019, BSD décide donc de quitter les militaires pour réaliser un rêve plutôt dingue, devenir professionnel en MMA. Et oui, Bastien, alors après avoir vadrouillé un peu partout, en Belgique, en Roumanie, en Slovénie, en Suède et même au Bahreïn, notre Frenchie débarque à l'UFC en octobre 2021 avec un score parfait de 8 victoires en 8 combats. Mais tiens-toi bien, Bastien, la poisse l'a frappé dès son premier passage dans la cage de l'UFC sous la houlette du grand Dana White. La seule tache sombre dans son parcours en UFC, c'est cette défaite en octobre 2021 contre Eliseo Zaleski dos Santos. Une bataille perdue qui laisse un goût amer aux Français. Pas seulement parce qu'il n'a pas réussi à le mettre KO, mais surtout parce que cette défaite est entachée par du dopage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que BSD s'est bien relevé après cette première défaite. Mais voilà, tu le dis bien Bastien, après 3 victoires éclatantes contre des poids légers redoutables comme Ismaël Bonfim, Thiago Moses et Matt Frevola, ce gars de Nîmes s'est catapulté vers les sommets du MMA. Et là, dans la nuit de samedi à dimanche, BSD s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire. Son adversaire, le redoutable Dustin Poirier, ça promet du lourd, une vraie baston entre deux titans des poids légers. Et l'autre titan en question, c'est Dustin Poirier. Enzo, c'est toi qui dresse le portrait de l'Américain, un combattant au parcours pour le moins atypique. Et oui, un parcours atypique, comme tu le dis Bastien, troisième au classement de sa catégorie des poids légers, Dustin Poirier a 35 ans et se prépare à affronter l'ancien militaire français. The Diamond, hein, comme on le surnomme aux États-Unis, a un parcours très atypique. Sorti du lycée très tôt, ses nombreux combats de rue vont l'amener à la détention, tout simplement. Il va passer professionnel en 2009, à 20 ans. Et pour commencer, il combattra directement chez lui, en Louisiane. Premier combat, première défaite, comme ça le cas est fixé, dès le début de sa carrière. Bon, on va dire qu'au fur et à mesure où il avançait avec le temps, quatrième combat, il va fracasser littéralement le futur champion des moins de 66 kilos en même pas un round. Premier combat, première défaite, ça lui fait au moins un point commun avec BSD. Est-ce que tu penses que Poirier a une légitimité à être présenté comme une superstar, Enzo ? Pourquoi pas ? Il a combattu les meilleurs au cours de sa carrière, 2 victoires face à McGregor qui vont lui faire passer un palier. Un statut de superstar, des combats acharnés, notamment, je sais pas si tu te souviens, celui face à Justin Gaethje, comme tu le disais. Dustin n'a jamais réussi à remporter le titre de champion incontesté contre le grand Khabib Nurmagomedov, ou encore face au Brésilien Charles Oliveira. Ceinture noire de Jiu-Jitsu, il fait parler sa boxe, son striking, et surtout quand on note qu'il a battu des spécialistes en la matière comme Alvarez, Dan Hooker ou Holloway. On a déjà parlé de l'enjeu pour BSD, quels sont-ils pour l'Américain ? On va se le dire clairement, hein. Sur les réseaux sociaux, il a annoncé, son manager l'a annoncé, il attendait un adversaire mieux ranké, très clairement. Et moi, la question que j'aimerais me poser, c'est pourquoi Poirier a décidé de combattre face aux Français ? Et j'ai une théorie, je sais pas si vous la partagez, mais en tout cas, j'ai une théorie. J'ai regardé le film RMC Sport, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je vous le conseille, ils sont très très forts dedans. Et je suis assez d'accord avec l'agent de Benoît Saint-Denis, Dana White, je pense, qu'il a vu en ce combat l'occasion de propulser BSD sur le devant de la scène, en tout cas de l'UFC et du MMA. Et pour moi, Poirier rêve de la ceinture de champion incontesté, et s'il ne l'atteint pas, il restera aux yeux du grand public ce grand combattant qui n'a jamais gagné. Alors vraiment, attention à lui dans ce combat de tous les possibles. Attention à lui, mais aussi attention à Benoît Saint-Denis, notre Frenchie national. Pour terminer cette émission, on va aborder les forces des deux hommes. Je suis convaincu et j'ai envie de le prouver étape par étape. Il n'y a pas un seul gars en 70 kg qui fera 3 fois 5 minutes avec moi. Thomas, quels sont les atouts de Benoît Saint-Denis ? Eh bah écoute, un petit peu comme pour Cédric Doumbé, hein, il vient de le dire, il n'y a personne qui fait 3 fois 5 avec lui, en tout cas c'est ce qu'il pense, parce qu'il faut noter que les combats de Benoît Saint-Denis se sont précédemment tenus en 3 fois 3 reprises, là c'est 3 fois 5 reprises, c'est Poirier qui avait demandé ça, parce que lui il a l'expérience des combats qui sont plus longs, Benoît Saint-Denis non, sauf que Benoît Saint-Denis est plus jeune, et un petit peu comme son adversaire du soir, il frappe très fort. Benoît Saint-Denis, c'est le striking, c'est comme ça qu'il a gagné ses 3 derniers combats, notamment un superbe KO en novembre contre Matt Frevola à New York au Madison Square Garden, un high kick à la tête qui a vraisemblablement laissé aucune chance à son adversaire. Mais attention, parce que penser que son striking n'est que sa seule force serait trompeur. Déjà, il y a l'importance de sa lutte, il y a également ses middle kicks qui ajoute à sa lutte. En fait, ces deux éléments sont très importants parce qu'ils fatiguent véritablement l'adversaire. Les middle kicks, c'est des coups qui sont portés au torse. On n'a pas vraiment l'impression qu'ils vous font mal, qu'ils saignent, que c'est des coups qui vous portent préjudice, mais ça fatigue, ça consume les adversaires et petit à petit, ils vont perdre de l'énergie. Et c'est véritablement là que toute la stratégie de Benoît prend son sens. Ça lui permet de s'approcher constamment, de bloquer son adversaire en ne le laissant pas respirer, en ne lui laissant pas la possibilité d'attaquer. Une fois que son adversaire est fatigué, et Dustin Poirier, je le rappelle, a passé 35 ans, et avec une garde baissée, les coups de Benoît Saint-Denis atteignent plus facilement son adversaire. C'est là toute la stratégie de notre Français. Dustin Poirier a aussi des arguments, hein, Arthur. Ouais, Dustin The Diamond Poirier, hein, il nous l'a présenté, Enzo, il est tout en haut de la hiérarchie des points moyens à l'UFC, c'est la catégorie reine, hein, et s'il est là, c'est pas par hasard. Clairement, oui, il n'a jamais réussi à être le champion à contester, mais vous regardez qui est-ce qu'il a affronté aussi, c'est que des grands noms, c'est vraiment la catégorie star, que des grands combats, et Dustin Poirier, il a mérité d'être là. Alors moi, ce qui m'impressionne particulièrement chez lui, c'est qu'il a une force mentale hors du commun. Hein. Bien sûr, il est loin de son meilleur niveau et à son âge, il paraît assez improbable qu'il le retrouve un jour, mais affronter des plus jeunes en pleine ascension, c'est un défi qui est à la taille de Poirier. Bien des fois, il s'est retrouvé dans des combats où il avait plus à perdre que son adversaire, mais ça, ça lui fait pas peur. Il semble toujours le plus déterminé des deux. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il a été au sommet. Il a prouvé et s'est forgé une carrière qui force le respect même de ses plus grands détracteurs. Donc c'est évidemment lui qui a tout à perdre. Il peut rater sa fin de carrière pour une plus-value qui n'est pas évidente, mais Dustin Poirier, c'est un grand champion et c'est un vrai gagnant. S'il est là, c'est pour le défi. Et un peu à l'image d'un Rafael Nadal, en fait, il semble comme transcendé par sa haine de la défaite. Dans les MMA, il a tout connu, les victoires faciles et celles où il a vu la défaite de près. Il a connu ici évidemment des défaites, il a combattu tous les types d'adversaires, les gros cogneurs et les combattants plus techniques. Il a subi des assauts au sol sur tout un combat comme il a passé des rounds entiers debout. Cette expérience lui apporte une vraie polyvalence et le rendra très difficile à surprendre par BSD. L'endurance physique mais surtout mentale, pour moi c'est là qu'il est au-dessus de tout le monde. On ne l'oublie pas, il sort d'une défaite, pourtant personne ne doute de sa capacité à s'en relever. Connor l'avait battu, par deux fois il est revenu et lui a infligé un TKO. Briser le mental de Poirier, c'est juste mission impossible. Si tu veux le battre, c'est dans la cage qu'il faudra le dominer, car jamais, jamais il ne part vaincu en entrant. Et pour le dominer dans la cage, là aussi, bon courage. Thomas, on l'a compris, la jeunesse et les points de BSD sont ses principaux atouts. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Et un peu comme Poirier, il a un bon sol offensif, mais son sol offensif est bien meilleur que celui de son adversaire américain. Un adversaire exténué, qu'on harcèle, il se fait plus souvent surprendre. Il a aussi un meilleur judo, hein, notre français, pour projeter son adversaire au sol. On peut un peu dire que BSD est un bébé Poirier, parce qu'ils ont énormément de similitudes, les deux adversaires, mais il y a une différence qui est notable, c'est qu'il est plus jeune. Alors, il a moins d'expérience, certes, mais l'expérience, ce n'est véritablement qu'utile. Si le corps arrive, et en 3x5, ça m'étonnerait que notre Américain de la Louisiane arrive à suivre. Il y a une particularité qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est deux gauchers. Donc normalement, un gaucher contre un droitier, c'est un petit peu comme au tennis, ça permet plus de coups et ça permet une plus grande liberté. Là, vu que c'est deux gauchers, a priori, on ne devrait pas avoir les middle kicks dont je vous ai parlé, mais on a une autre chance pour notre français Benoît Saint-Denis, c'est qu'il ne perd pas à l'UFC. Il n'a pas perdu, ses points sont dévastateurs, sa seule défaite reste encore un petit peu contestée. Et moi, honnêtement, je pense qu'il a des bonnes armes entre son explosivité et sa force. Je pense qu'il peut le faire. Mais l'Américain reste un combattant ultra complet, Arthur. Oui, tu l'as dit, Bastien. Dustin Poirier, c'est le combattant complet par excellence. Il ne s'appuie pas sur un unique point fort pour battre ses adversaires. Bien sûr, il a ses préférences, sa base, si on peut dire. Mais il est assez complet pour adapter sa tactique de combat aux faiblesses de son adversaire. Ça le rend imprévisible et ça, c'est un vrai plus. Après, il a bien évidemment des bases techniques excellentes. Hein. Au niveau du striking, il n'y a quasiment rien à dire. Poirier frappe très vite et très fort. Il peut enchaîner et faire déferler les vagues de frappe sur un adversaire dépassé, comme il peut le finir d'un crochet puissant. En fait, niveau boxe et kickboxing en général, il est tout simplement élite. Non seulement en attaque, mais aussi en défense. Synthèse de ça, c'est son contre et notamment son crochet en contre qui est l'un de ses meilleurs coups. Capable de fatiguer ses adversaires en ne leur laissant aucun répit debout, il maîtrise les calf kicks, les coups au mollet à la perfection. A nouveau, c'est une arme qu'il utilise principalement pour fatiguer son adversaire, qu'il harcèle, qu'il saoule de coups, mais il utilise la même stratégie au sol. Il a de bonnes bases de jiu-jitsu et sait garder le contrôle en position dominante. Son sol, c'est un sol d'attaque pour fatiguer l'adversaire. En vérité, il ne soumet que très peu ses adversaires et n'est pas excellent dans son solde de défense. Témoigne ses 3 défaites par soumission. Pour autant, il est largement assez bon pour ne pas perdre à cause d'un solde trop faible. Alors oui, son âge peut lui faire défaut, oui, l'endurance n'est plus la même, mais je souhaite vraiment bon courage à BSD. Le soumettre, ça sera loin d'être facile, et avec sa résistance et son menton ultra solide, il est peu probable que ce combat se finisse comme les 5 précédents pour notre Français. Et puis on aura la réponse dimanche aux alentours de 5h du matin. Même chose que tout à l'heure, votre pronostic sur ce combat. Arthur, on commence par toi ? Bah moi c'est assez évident, hein. Je viens de le défendre, je pense que Dustin Poirier reste dans une catégorie un petit peu au-dessus, BSD il va être un petit peu court. Bon Thomas, toi c'est le français ? Moi c'est bien évidemment le français, je vais innover, je pense qu'il va être intelligent, il va réussir à mettre en place son très bon sol offensif et qu'il va le soumettre, allez je dis au 4ème round. Enzo ? Non, moi je vais pas aller jusque là quand même, mais j'en rêve. J'en rêve de Benoît Saint-Denis parce que pour moi, gagner face à une personne comme Dustin Poirier, c'est faire passer un cap au MMA. Parce que je pense pas qu'on se rende compte à quel point on a de la chance de voir un Français jouer contre une personne comme ça. C'est vrai. Oui, c'est vraiment une occasion en or pour le MMA français. C'est vrai. Et puis Lucas, pour finir, est-ce que tu y crois toi ? En tant que Français, oui, j'y espère évidemment, mais je pense que ça va être un peu dur. C'est la première fois qu'il combat en 5 rounds, donc je pense qu'en 3 rounds, il aurait pris, je pense, mais là, en 5 rounds, connaissant Dustin Poirier, je pense que ça va être trop compliqué. Et assez paradoxalement, je tiens juste à préciser qu'au niveau des bookmakers, c'est Benoît Saint-Denis qui part favori. Une cote à 1,60, finalement, on fait confiance à Benoît Saint-Denis du côté des bookmakers américains. Effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait. Eh bien, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. On a toutes les clés, hein, pour apprécier ces 2 combats. Et je sais que vous n'en raterez pas une miette. Vous allez être devant votre téléviseur jeudi et dimanche. C'est la fin de ce hors-série spécial MMA. On peut déjà annoncer qu'il y en aura d'autres, hein, qui arriveront bientôt. Lucas, Arthur, Enzo, Thomas, merci à vous 4. Merci aussi à Clément et Timothée qui étaient aujourd'hui à la régie. Et puis merci à vous, auditeurs de JT Sport. On vous donne rendez-vous mardi matin pour le 15e épisode de JT Sport. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, X et Facebook. Et puis surtout, vive le sport!